Soit hypocrite, c'est vrai, parfois pour de pièces raisons. Il y a quelques secteurs qui sont pas touchés, mais ces secteurs-là, c'est chasse gardée. Qui gouverne se paye de toi, c'est vrai, ces gens-là sont loin de toi. Les pauvres clodos sont si débiles, il suffit juste de magouiller. Politiciens, foire aux catins, moins y'a de pouvoir, plus ils sont bien. Petites personnes, gros intérêts, mais tout est faux, sauf ce qui est vrai. Que les gens ne s'aiment pas trop, c'est vrai, ils séparent les maigres et gros. Et certaines personnes s'en contrefoutent, de l'argent volé, c'est de l'argent volé. Le singe est marrant, le porc est gonflant, les vautours avides, tout ça mélangé, ça peut régner. Aux catins, moins y'a de pouvoir, plus ils sont bien. Petites personnes, gros intérêts, mais tout est faux, sauf ce qui est vrai. Politiciens, gare aux câlins, ils sont très bien, sans leur pourboire. Misère éthique, et pas trop mieux. Mais tout est faux, sauf ce qui est vrai.